Nous allons maintenant vous parler cyber, avec l'attaque que les forces israéliennes auraient subie de la part de Hamas et surtout leur réponse. Et alors, pour notre dernière actualité, nous allons parler cyber. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et c'est pourquoi on va se concentrer sur les attaques cyber et les réponses qu'on peut ou non apporter en tant qu'État. Une fois de plus, nous avons assisté au début du mois de mai à une escalade des tensions entre l'Israël et la Palestine, et cette fois c'est parti justement d'une cyberattaque. Donc en fait le 5 mai, les forces de défense israéliennes ont annoncé sur Twitter qu'elles avaient été victimes d'une cyberattaque provenant de Hamas, mais que leurs services de cyberdéfense ont été suffisamment forts pour l'empêcher. En représailles, les forces israéliennes ont bombardé l'immeuble dans lequel auraient été les forces cyber du Hamas, également annoncé sur leur compte Twitter. Cette attaque a fait 25 morts, et surtout, c'est la première fois qu'il y a eu une réponse physique, directe et immédiate en réponse à une cyberattaque. Bon, il faut malgré tout tenir en compte que ce n'est pas la première fois, mais la deuxième, qu'il y a eu une réponse physique à une cyberattaque, mais l'autre s'était fait dans un contexte différent. C'était en 2015 par les États-Unis, qui ont lancé une attaque ciblée par drone sur un hacker anglais travaillant pour Daesh, Junaid Hussein. Sauf qu'à ce moment, ça s'est passé après des mois et des mois de travail et de recherche et d'investigation de la part des Américains, en partie parce qu'ils avaient du mal à le localiser. Oui, alors il faut bien noter qu'Israël a développé depuis le milieu des années 1990 une attention assez accrue pour la sécurité des systèmes d'information, qui, une fois corrompus ou détruits, peuvent provoquer la paralysie complète d'un État. Par exemple, dès 1997, il y a un programme qui s'appelait Teila, qui devait permettre à l'État, donc l'État israélien, un accès sécurisé à Internet. Et puis depuis son élection en 2009, Netanyahou a fait du cyber sa priorité. En 2011, il a notamment décidé de suivre les recommandations de la commission menée par Isaac Ben Israël, qui a été chargée de réfléchir aux enjeux du cyber et à la protection des infrastructures civiles. Et donc, Netanyahou a créé l'INBC, donc Israel National Cyber Bureau. Une grande attention a d'ailleurs été portée à la formation de la jeunesse durant cette période. Aujourd'hui, Israël fait partie des pays qui se préparent le plus aux risques cyber. Alors, cela va sans dire, mais avoir comme plus proche allié les États-Unis, ben ça aide, hein, forcément. Et d'ailleurs, la coopération israélo-américaine dans le cyber est relativement connue. Exactement, je suis sûre que vous avez tous entendu parler du virus Stuxnet, qui est justement probablement la cyberattaque la plus connue et qui a été découverte en 2010. C'est à ce moment que plusieurs peurs ont été confirmées, que le cyber pourrait très rapidement devenir un moyen d'atteindre des infrastructures critiques. Alors, ce virus a commencé à être développé dès 2005, et donc le plus probablement par des forces américaines et israéliennes, c'est pour ça qu'Océane disait ça. Et c'est un virus qui s'insère dans les ordinateurs et qui identifie si l'ordinateur est lié ou pas à un programme spécifique qui est utilisé pour contrôler de la machinerie industrielle telle que les centrifuges d'uranium. Donc dans ce cas-là, l'objectif était d'affecter, de ralentir ou même d'arrêter les centrifuges iraniens par suspicion qu'ils étaient en train d'être utilisés pour fabriquer des armes nucléaires. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai entendu dire que le documentaire Zero Days, qui traite ce sujet, est bien. Faudrait que je le regarde moi-même bientôt, mais apparemment il est à être conseillé. Mais sinon, certes, c'est l'attaque la plus connue, mais ce n'est pas la seule attaque. Et d'ailleurs, en mai 2017, il y en a une qui a une envergure immense, appelée WannaCry. Vous avez sûrement entendu parler aussi. Son objectif était de bloquer l'accès aux ordinateurs et aux disques durs en les encryptant et de demander une rançon pour les décrypter. Le principal problème de cette attaque, c'est qu'elle n'a pas seulement affecté des personnes individuelles, mais aussi de grandes infrastructures, la plus grande ayant été le National Health Service au Royaume-Uni, ayant ainsi affecté des hôpitaux et mettant donc en danger la vie de personnes en fait. Le virus était déjà en place avant et continue de l'être, mais ça a été le 12 mai 2017 qu'il a affecté ces hôpitaux, ainsi que des centaines de milliers d'ordinateurs en même temps, dans le monde entier. Il est possible que cette attaque ait eu comme origine la Corée du Nord, fait qui a été affirmé officiellement par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Une attaque moins connue a été en août 2017, une cyberattaque a ciblé une compagnie de pétrochimie en Arabie Saoudite avec l'objectif de créer une explosion, qui n'a finalement pas eu lieu. En 2018, tout indiquait que celle-ci était perpétrée par les Russes. Justement, en 2018, le gouvernement américain et anglais ont conjointement affirmé que la Russie était derrière des cyberattaques malicieuses visant, et je cite, « principalement les gouvernements et les organisations de secteur privé, les fournisseurs d'infrastructures critiques, ainsi que les fournisseurs de services Internet prenant en charge ces secteurs ». Il y a donc de plus en plus une tendance à trouver officiellement un coupable, notamment depuis 2018, lorsqu'il y a eu un coupable qui a été identifié pour ces trois dernières attaques que je viens d'évoquer. Alors, un des problèmes avec le cyber, c'est que le droit international ne définit pas ce qu'est une attaque ou une guerre cyber. Alors, comme pour la définition du terrorisme dont vous parlez, Aurore, pour le grand dossier de l'épisode 4, le cyber n'est pas une notion qui veut dire la même chose partout. Alors certes, il y a le manuel de Tallinn qui a été publié en 2007 et qui est un document de référence quand on parle de la cyberguerre, mais ça n'en fait pas une référence en tant que telle du droit international. Un autre cadre est de considérer que le droit international humanitaire et la Charte des Nations Unies s'appliquent dans le cyberespace. D'ailleurs, à ce propos, l'OTAN a beaucoup réfléchi et est resté volontairement flou sur l'applicabilité de l'article 5 en cas de cyberattaque contre un des États membres de l'Alliance Atlantique. En fait, si vous voulez comprendre les postures envers le cyber, vous devriez lire les livres blancs et les revues stratégiques des États concernés. Par exemple, pour la France, la revue stratégique de cyberdéfense qui a été écrite par le SGDSN en 2018. Une des difficultés habituelles qui est soulevée par le cyberespace, c'est celle de la désignation de l'ennemi, d'où le besoin d'une réponse juridique collective. En fait, il est très compliqué de déterminer l'origine d'une attaque, à la fois géographique mais aussi politique. La preuve est extrêmement difficile à obtenir et ça pourrait ne pas être suffisant, disons, devant une cour internationale de justice. Mais on voit bien que dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Israël, l'origine de la cyberattaque n'a pas vraiment fait débat, en tout cas au sein des forces israéliennes et de leur gouvernement. Oui, et justement, nous ne disposons pas de beaucoup d'informations vis-à-vis de la cyberattaque que les Israéliens ont subie. Les seules informations que nous avons pour le moment ont été celles publiées sur Twitter par les forces israéliennes et qui sont très brèves. Des experts affirment que l'objectif allait plus loin qu'une simple, entre guillemets, représailles vis-à-vis d'une possible cyberattaque, puisque d'un côté, cela permet de montrer la capacité des services d'intelligence israéliens, qui ont très vite été capables de voir l'attaque venir et de s'en défendre, selon eux, même si certains disent que c'est possible que les forces israéliennes travaillaient déjà dessus depuis un moment. Et d'un autre côté, cela leur permet de montrer jusqu'où ils sont prêts à aller en réponse à une cyberattaque, servant ainsi de nouvel outil de dissuasion contre ce type d'attaque qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas provoqué une telle réponse, pas de cette façon du moins. Et c'est là que la question du droit de la guerre, de l'éthique se pose. Pour reprendre encore une fois les mots d'Aurore, je vais rappeler quelques-uns des principes du droit international humanitaire. Il y a le principe de distinction, celui de précaution et celui de proportionnalité, qui sont donc au cœur du droit international. Répondre avec des bombardements à une attaque cyber, est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est légal ? Au-delà de savoir si oui ou non les Israéliens ont identifié les réels auteurs de l'attaque, il faut se poser la question. Le bombardement d'un immeuble est-il une réponse proportionnelle qui permet le respect des principes de distinction et de précaution ? Alors, je tiens à préciser que là, je n'émets aucun jugement. C'est une question ouverte que je vous pose et qu'il faut se poser. Si une attaque cyber peut paralyser toute une société, tout un État, est-ce qu'on est en droit de répondre avec des armes qui ne soient pas des armes cyber ? C'est un des enjeux du droit international aujourd'hui. Et c'est le devoir de chaque État d'y répondre, de manière singulière évidemment, mais aussi de manière collective, pour qu'on puisse faire évoluer le droit international. Mais il faut avoir conscience que l'action d'Israël ce mois-ci a créé un précédent qui servira d'argument pour agir ou non, selon le positionnement des décideurs qui auront affaire à une situation relativement similaire. C'est vrai que le cyber est un sujet d'avenir sur tous les points qu'Océane a évoqués notamment. Le cyber est présent dans toutes les questions stratégiques et on sera forcément amené à en reparler. Et sur ce, nous allons maintenant passer à notre grand dossier sur le narcotrafic entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine. Alors, pour notre épisode de ce mois-ci, nous avons avec nous Mohamed Badine Eliatiwi, docteur en sciences politiques, professeur de relations internationales et sciences politiques à la Universidad de las Américas Puebla au Mexique, qui va nous aborder la question du narcotrafic entre l'Amérique latine et l'Afrique. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, comme vous venez de le dire, je suis professeur au Mexique, de relations internationales et de sciences politiques. Je travaille beaucoup sur les questions de géopolitique et de sécurité internationale. Et en fait, cette question du narcotrafic entre l'Amérique latine et l'Afrique a été sujet que j'ai abordé au cours de différentes conférences et différents travaux de recherche, différents séminaires, mais de manière séparée, narcotrafic en Amérique latine, qui était l'une des parties de ma thèse de doctorat, et narcotrafic en Afrique, qui était plutôt des travaux de recherche post-doctorat. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, il fallait à un moment donné essayer de les traiter ensemble, parce que l'un des problèmes de la littérature scientifique, c'est qu'en fait, elle a produit très peu de choses sur ces thématiques-là. Quand j'ai commencé à réfléchir sur la question et à faire des recherches, j'ai très vite vu que, mis à part des articles de journaux, fruits de l'actualité, il n'y avait pas grand-chose sur cette thématique. Donc l'idée, ça a été de travailler la question en démontrant que c'était réellement une question de sécurité internationale, peut-être même de sécurité globale, si le concept existe, on pourrait en discuter. Et l'objectif, ça a été de démontrer qu'en fait, à l'ère de la globalisation, les personnes qui étaient peut-être les mieux préparées à la globalisation des échanges, à la globalisation financière, beaucoup mieux que les États, c'était très souvent des groupes criminels ou des groupes délictueux, notamment les narcotrafiquants, avec ces alliances qui se sont constituées, et même la présence de narcotrafiquants latino-américains en Afrique de l'Ouest principalement, et avec le cas de la Guinée équatoriale qui est hispanophone, donc qui facilite les choses pour beaucoup de latino-américains. Et donc voilà, donc c'était un peu l'objectif de tous ces travaux-là, c'était démontrer que les interconnexions, qu'elles soient financières et ou bien même politiques quelque part, parce qu'il y a des conséquences aussi pour les États aussi bien latino-américains qu'africains à ce nouveau type de commerce entre eux, et aussi une manière de contourner les barrières sécuritaires qui sont mises en place, notamment aux Caraïbes, avec la France qui joue un rôle très important avec la Martinique et la Guadeloupe pour contrôler un peu ces mouvements-là, et puis bien sûr le contrôle des ports au-delà des États-Unis, en Europe, le contrôle des ports espagnols, portugais et français. Donc c'est une manière de contourner les problèmes, et puis des gens aussi, des narcotrafiquants, je me suis rendu compte de ça en faisant des entretiens avec des gens, des forces de police, des forces de sécurité, principalement ici au Mexique et aussi en Colombie, qu'en fait, beaucoup de ces narcotrafiquants avaient une connaissance assez pointue des évolutions géopolitiques, et pas seulement sur dans leur région, mais également en Afrique. Donc c'était assez passionnant à travailler, et puis j'espère qu'on pourra en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Donc, de la même façon qu'il y a un marché noir, donc du côté marché, du côté économique et financier par rapport aux drogues, il y a aussi une sorte de sous-couche de relations internationales qui est liée donc à tout ce narcotrafic à l'échelle globale. Exactement, c'est-à-dire que moi, que ce soit en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, j'ai toujours expliqué que les relations internationales, c'était ou les relations entre États ou, par exemple, la mise en place d'organisations internationales et leur influence limitée ou non, ou d'acteurs non étatiques, mais on parle plutôt des ONG dans ce cas-là, vous voyez. On parle pas des narcotrafiquants. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette recherche, qui a duré un certain nombre de mois et qui se poursuit, c'est qu'en fait, on a des acteurs non étatiques qui sont des acteurs délictueux ou criminels, qui ont une connaissance parfaite des relations internationales et qui jouent des faiblesses, par exemple, de certains pays comme la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali récemment, la Libye. C'est-à-dire que vous avez tout un réseau qui s'est mis en place, par exemple, avec des anciens cartels colombiens, notamment des gens du cartel de Medellín, qui ont dû fuir après la mort de Pablo Escobar. C'est l'exemple, on va dire, le plus fameux. Ils ont fui en direction de l'Argentine. Et depuis l'Argentine, ils ont regardé une carte et ils se sont dit, le plus simple avant d'arriver en Europe, c'est de passer par l'Afrique de l'Ouest. Et ils ont joué sur les faiblesses d'États, par exemple, comme la Côte d'Ivoire au début des années 2000, la faiblesse structurelle d'un pays comme la Guinée équatoriale, qui a des forces de sécurité avec un pouvoir très limité, la Guinée-Bissau, pareil, où il y a une très grande corruption. Et ils ont créé des liens, il y en a même certains qui sont allés vivre là-bas, des Colombiens, qui se sont installés. Et en fait, après, au début, ils ont cherché à passer par le Maroc, c'est-à-dire à remonter via la Mauritanie, passer par le Maroc, et puis après l'Espagne. Et là, c'était parfait. Ils sont même liés à certains groupes de narcotrafiquants marocains, parce que le Maroc est l'un des rares pays en Afrique qui est producteur de drogue, mais de hashish, alors que là, on parle plutôt de cocaïne, dans le cas de la drogue latino-américaine. Et le Maroc a mis quelques années pour, évidemment, se structurer, faire face à ce nouveau problème. Et en fait, ils ont profité de la fortification, on va dire, de la sécurité au Maroc pour changer d'optique et opter sur la Libye à partir de 2011 avec, comme vous le savez, l'intervention de l'OTAN, etc. Et le chaos libyen, on a un pays qui est complètement détruit d'une certaine manière, mais qui vit aussi dans une situation d'anarchie avec deux gouvernements. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sont passés par le Mali aussi, parce qu'on a 2011 Libye, 2012, 2013 Mali avec Barkhane, etc., l'opération Barkhane. Et en fait, ils arrivent en Afrique de l'Ouest et de là, ils passent au Mali et du Mali via la bande sahélienne, ils remontent en Libye. Et l'avantage énorme qu'ils ont en Libye, c'est que, en fait, face à eux, ils ont la Méditerranée et ils ont l'option ouest qui est la Sicile. Et donc là, c'est d'autres groupes. Donc, on n'est même plus sur une relation, entre guillemets, bilatérale, latino-américain-africain, mais on est sur une relation trilatérale, latino-américain-africain-européen. Ou bien, ils passent par la Grèce ou bien le Moyen-Orient. Et puis là, c'est d'autres marchés, ou bien les Balkans, avec d'autres groupes criminels, ou bien le Moyen-Orient via la Turquie ou le Liban, et puis là, ils peuvent atteindre une autre partie du monde. Donc, c'est fascinant, parce qu'en fait, c'est vraiment une géopolitique des drogues, si vous voulez, que j'ai travaillé. Et bon, ici, au Mexique, il y a très bons spécialistes, évidemment, des questions de narcotrafic en Amérique latine, qui ont pu m'aider, qui m'ont aiguillé sur certaines choses. La question un peu plus difficile, c'était celle sur l'Afrique, et c'était surtout lier les deux, vous voyez, c'était lier l'Amérique latine et l'Afrique, et c'était surtout être force de proposition, parce que c'était lors d'un colloque, et à la fin, il fallait essayer de proposer, entre guillemets, des solutions, parler de thématiques un peu nouvelles, comme celle-ci, et ensuite essayer de faire des propositions, et c'était très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'en fait, même au niveau, si vous voulez, des États, il y a certains États qui s'en sont rendus compte, mais c'est très peu traité, c'est pas considéré comme une priorité, et surtout, il n'y a pas de coopération interrégionale, vous voyez, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on parle souvent des mêmes thématiques, qui sont très importantes, l'environnement, les migrants, etc., mais c'est aussi une thématique très importante, celle-ci, et elle n'est jamais abordée ni à l'agenda de l'Union africaine, ni à celle du Mercosur, ni l'Union européenne, vous voyez, ou bien chacun le traite dans son coin. Mais il n'y a pas encore de coopération interrégionale et l'ONU essaye de faire son boulot. Il y a une unité spéciale, comme on dit, qui traite de ça, et qui traite de ça dans la globalité, qui fait des rapports, donc qui fait de la synthèse. Mais on n'a pas encore un système de gouvernance internationale qui essaye de mener à bien, entre guillemets, ce nouveau type de problématique. Donc je pense que ça serait intéressant à l'avenir d'avoir plus de gens qui travaillent là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. En effet, c'est plutôt intéressant. Moi, je me posais la question, est-ce que l'Afrique, c'est seulement une plaque tournante pour accéder à l'Europe et au Moyen-Orient, ou est-ce qu'il y a aussi de la consommation, notamment de cocaïne, en Afrique? Et dans ce cas-là, comment est-ce que se structurent ces rapports-là? Alors, quand j'ai travaillé la question, j'ai surtout travaillé la région productrice, l'Amérique latine, la région de transit, l'Afrique, et en travaillant la question, je suis arrivé à ce que vous venez de me demander. C'est qu'en fait, moi-même, je l'ai découvert. En fait, vous avez des pays comme le Ghana en particulier ou le Nigeria, où vous avez une consommation très importante de cocaïne qui est en train d'exploser. Et pas seulement de cocaïne, vous avez aussi une production de drogue de synthèse qui est en train de se développer. Et dans le cas de la cocaïne, elle est importée de l'Amérique latine. Les drogues de synthèse, en revanche, on est plutôt sur de la production locale. Et c'est très inquiétant parce que, en fait, quand on regarde, par exemple, les rapports de l'ONU, justement, qui font la synthèse de tout ça, ou certains articles que j'ai pu lire d'auteurs africains ou de journalistes africains, ils vous expliquent que les pays qui ont connu, c'est terrible, c'est-à-dire les pays qui ont connu une croissance un peu plus importante que les autres, le début d'une classe moyenne nationale, vous avez en parallèle une augmentation de la consommation de cocaïne. Vous voyez? Et le problème, c'est que vous n'avez pas de politique de public de prévention et de santé vraiment développée dans ces pays-là, coordonnée avec une vision à 30-40 ans, vous avez un véritable problème avec un nouveau fléau. Et face à ça, vous n'avez pas de réponse étatique qui est déjà préétablie. Donc c'est assez compliqué dans le sens où vous avez de nouveaux défis qui sont face à eux, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer le fait d'être des pays de transit et maintenant d'être des pays de consommateurs. Vous voyez? Donc ça, c'est un nouveau défi pour l'Afrique et c'est un défi de taille parce que l'Afrique est en train de rentrer de plein pied dans la globalisation, mais avec, entre guillemets, les aspects positifs, c'est-à-dire plus de croissance, etc., et on l'espère, plus de développement généralisé, mais en même temps, les nouvelles problématiques qui sont les problématiques, par exemple, du monde occidental depuis plusieurs décennies, par exemple liées à la consommation de drogue, et qui sont des drogues différentes des drogues qui pouvaient exister, des drogues locales par exemple. Donc c'est véritablement un nouveau défi. Et est-ce que c'est dans ces pays où la consommation a explosé, elle a explosé parce que c'était des pays de transit, ou est-ce que c'est séparé de cette raison-là? Non, justement, c'est une très bonne question. En fait, les véritables pays de transit, c'est Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, et vous avez aussi comment un petit peu le Sénégal. Et maintenant, la Mauritanie qui commence, parce que vu que c'est une situation un peu complexe en Mauritanie au niveau politique, ça a toujours été complexe, mais ça l'est à chaque fois un peu plus, et qu'on est face à un État quasiment failli, on pourrait dire, vous avez ce côté-là. En revanche, la consommation, elle est plutôt du côté du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est intéressant de voir que les pays de transit ne sont pas les pays de consommation. Et sur place, au sein de l'Afrique de l'Ouest, vous avez des mafias locales ou bien des mafias locales qui travaillent avec des mafias latino-américaines, mais sur place, en Afrique de l'Ouest, qui gèrent d'une part le transit en direction de l'Europe ou du Moyen-Orient ou du nord de l'Afrique, et en même temps, qui gèrent la consommation locale, le marché local. Donc, on est vraiment dans la globalisation, là, la plus concrète. En revenant à la question des plusieurs chemins que ça peut prendre une fois en Afrique, comment est-ce que les narcotrafiquants gèrent tous ces différents pays, tous ces différents liens? Parce que finalement, c'est des liens qui doivent être complètement différents et qui doivent être adaptés aux différents pays. Enfin, j'imagine. Donc, comment ça se passe? Enfin, est-ce qu'on le sait aussi? Alors, moi, de ce que je sais, c'est que, par exemple, dans le cas de la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau, c'est vraiment, il se base sur deux choses. La situation géographique, premièrement, pour qu'il y ait une facilité d'approvisionnement via des ports ou via des systèmes de connexion simplifiés, mais également la capacité à corrompre la police et le pouvoir politique local. En Guinée-Bissau, vous avez eu plusieurs problèmes justement de corruption qui sont remontés jusqu'à la hiérarchie la plus élevée de la police. Vous voyez? Donc ça a été un véritable problème pour ce pays-là. C'est que le niveau de corruption, on parle de tout petits pays, on parle de gens qui ont des salaires très faibles, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire de police gagne aux alentours de 100 euros par mois. Donc, quand on gagne l'équivalent de 100 euros par mois, et même si on est le super chef, on gagne de manière légale 200, 300, 400 euros par mois. C'est très facile pour une mafia qui gère des sommes immenses liées au narcotrafic de corrompre ces gens-là. Vous voyez? C'est un peu ce qui se passe au Mexique. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà expérimentés. Moi, je le vois ici au Mexique. Vous prenez le salaire d'un policier. Le salaire d'un policier, il est de 250 euros en moyenne au Mexique. Et vous avez des policiers, type police municipale, qui sont payés moins, à 200, 180 euros, etc. Donc c'est très facile de corrompre pour ces mafias-là, parce qu'ils génèrent des ressources financières immenses liées à ce trafic illégal, et elles n'ont aucun problème à payer comment, des fonctionnaires de police en Afrique ou en Amérique latine pour les corrompre. C'est très très facile. Et je voulais savoir, par rapport justement à cette économie souterraine, est-ce que les pays de transit bénéficient en termes économiques de cette économie souterraine ou est-ce que c'est seulement de la corruption envers les officiels? Est-ce qu'il y a une croissance qui est explicable grâce à ou à cause de ce trafic de drogue? Non, malheureusement, en fait, si vous voulez, le drame, c'est que ces pays qui ont déjà des problèmes, entre guillemets, de développement, c'est des problèmes structurels, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils modernisent leur appareil d'État, il faut qu'ils modernisent leur structure économique, ils se retrouvent avec ce nouveau problème à gérer, où leurs fonctionnaires de police ou leurs militaires, selon les pays, sont corrompus, donc ça leur génère un problème. Ça génère aussi un problème, c'est qu'une fois que les mafias sont bien implantées, en général, ça c'est un phénomène mondial des mafias, elles cherchent à diversifier leur source de financement. Donc une fois que le narcotrafic leur a apporté beaucoup d'argent, vous avez ce qu'on appelle le blanchiment d'argent, donc ils essaient de faire passer ça au sein de l'économie locale, mais le problème c'est que c'est pas dans l'appareil productif, c'est-à-dire qu'ils créent pas des usines, ils développent pas le secteur industriel ou le secteur agricole. Ils cherchent par exemple à construire des hôtels, ils cherchent à construire des immeubles pour blanchir leur argent, rien de plus, et pour diversifier aussi leurs sources de financement, au-delà du blanchiment, ce qui se passe malheureusement très souvent, c'est que débutent d'autres réseaux qui sont des réseaux de prostitution et de proxénétisme. Donc ça, c'est l'un des autres problèmes, c'est que ces gens-là ne se limitent pas à gagner de l'argent via la drogue, mais ils essaient d'en gagner autrement, et malheureusement, les peuples n'en profitent pas. Ils sont uniquement des pays de transit et ça leur a créé un nouveau problème en plus de tous les problèmes qu'ils ont déjà. Est-ce que vous pensez que ça a créé un surcroît de violence dans ces pays de transit? Est-ce que les réseaux de drogue mexicains et sud-américains de manière générale font leurs lois dans ces pays-là autour des transits de drogue ou pas? Pour le moment, non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le niveau de corruption est assez élevé et il y a une division entre guillemets du terrain. Par exemple, ce qui a causé l'un des gros problèmes au Mexique, c'est que dans chaque État, au Mexique, vous avez 32 États. C'est un État fédéral avec 32 États et quasiment dans chaque État, ou au moins, on va dire dans la moitié d'entre eux, vous avez des cartels puissants. Le plus connu, cartel de Sinaloa, les Cetas, etc., etc. Et le problème qui se pose, c'est que quand vous avez une multiplication de groupes délictueux, c'est là que commence la concurrence, si vous voulez, entre eux. Parce que les premiers groupes latino-américains qui sont implantés en Afrique occidentale, ça remonte au début des années 2000. Donc vous voyez, on est à 15-20 ans. Donc on n'a pas encore cette concurrence entre eux. Ça pourrait venir un jour, on pourrait avoir des groupes locaux qui vont essayer de les déloger, c'est tout à fait possible aussi. Mais pour le moment, on n'a pas encore cette concurrence et on n'a pas encore cette violence, par exemple, comme on peut la connaître au Mexique, où vous avez des cartels qui se font concurrence pour le même marché, le même produit, ce qui génère une situation d'insécurité généralisée. Et en plus, au Mexique, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des scissions au sein des États, par exemple. Vous avez des groupes qui se sont divisés et qui, sur un petit territoire, ont commencé à se faire concurrence au niveau local. Donc, c'est là que ça devient compliqué pour l'État, quel qu'il soit. C'est quand, sur un petit territoire, vous avez un phénomène de division des groupes délictueux. Pour le moment, au Mexique, en Afrique occidentale, pardon, c'est pas encore le cas. Donc, il faut espérer que ça n'arrive pas. Justement, en parlant du Mexique, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fiable, mais je regardais la série Narcos de Netflix au Mexique, justement, et il montre bien la question, justement, des relations internationales, notamment entre les États-Unis et le Mexique, des problèmes qu'il y a au sein des administrations et des gouvernements pour réellement lutter contre ça, et même un manque de volonté à des moments par l'État américain, malgré le fait qu'ils disent beaucoup lutter contre ça, lorsque la situation politique du moment n'est pas la meilleure, eux-mêmes, ils ne mettent pas la priorité sur le combat contre les drogues. On va dire ça comme ça, de façon assez diplomatique. Donc, Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça expliquerait pourquoi il n'y a pas les plusieurs organisations internationales qui travailleraient ensemble, comme vous l'avez évoqué un peu plus tôt? Alors, si vous voulez, aux États-Unis, la problématique de la drogue, c'est un problème de politique étrangère avec un certain nombre de pays latino-américains, donc leur espace proche et privilégié, et c'est un problème de politique intérieure et de sécurité publique quelque part. Donc, le problème qui se pose pour les États-Unis, c'est que vous avez des gouvernements américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, qui utilisent cette problématique quand ça les arrange quelque part. D'un autre côté, vous avez un autre problème au Mexique, c'est que, si vous voulez, le fédéralisme mexicain, c'est pas le fédéralisme américain. Le fédéralisme mexicain, historiquement, c'est un paradoxe, c'est un oxymore, c'est un fédéralisme centralisateur. Donc, du coup, vous avez eu, par exemple, entre, je sais pas si vous le savez, toutes les deux, mais au Mexique, vous avez eu le même parti qui a été au pouvoir de 1929 à 2000 au niveau de la présidence de la République. C'est énorme. Sans discontinuer. Et au niveau local, ce même parti, qui est le PRI, le parti issu de la Révolution, parti révolutionnaire institutionnel, a eu le contrôle des 32 États de 1929 à 1988. Et du coup, le président, via la police fédérale, les gouverneurs via la police, qu'on appelle ici estatale, et les polices municipales étaient coordonnées, parce que c'était le même parti, c'était très centralisé, très hiérarchique. Donc vous n'aviez pas de problème, entre guillemets. La violence était maîtrisée. Derrière, vous avez eu à partir de 88 avec la multiplication de gouverneurs d'autres partis, puis à partir de 2000 avec la transition, avec l'arrivée au pouvoir de la droite, du PAN, vous avez eu un dérèglement du système. Et beaucoup de gouverneurs, au lieu de travailler main dans la main avec l'État fédéral, comme ça peut se faire normalement dans beaucoup de pays fédéraux, type États-Unis ou Allemagne, si vous voulez, ils ont considéré que c'était leur fief, que leur État était leur fief. Et à partir de ce moment-là, ils ont compris que les réseaux et que les cartels locaux de narco de drogue pouvaient leur servir pour financer leur campagne électorale et pouvaient aussi leur servir pour blanchir de l'argent. Donc vous avez eu des partenariats, des collaborations, vous avez eu des gouverneurs, tout le monde savait qu'ils étaient liés au narcotrafic. Vous avez eu des cas où, par exemple, vous aviez un gouverneur qui était élu d'un parti X ou Y et son frère qui était le leader local d'un cartel. Vous voyez, des situations comme ça aberrantes. Les États-Unis le savaient très bien, ils ont continué à coopérer avec eux. Et en fait, quand ils en ont besoin au niveau de leur opinion publique nationale, américaine, ils jouent la carte de tout est la faute des latino-américains et en particulier des mexicains qui profitent du narcotrafic pour nous embêter. Mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est par exemple que quand on parle des violences liées à la drogue au Mexique, 90% des armes rentrent par le Nord, rentrent par les États-Unis. Donc, déjà, pour si on voulait quelque part réduire la violence liée au trafic de drogue à l'intérieur du Mexique, il y a déjà cette question des armes, les empêcher d'entrer. Donc déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de contrôle de la frontière, par exemple, Trump a tout misé sur les êtres humains. C'est-à-dire que lui, il dit « je veux pas que les Mexicains entrent au Mexique, je vais construire un mur ». La réalité, c'est que les armes vont du nord au sud et que la drogue va du sud au nord. Mais ça, il n'en parle jamais. Je sais pas si vous avez remarqué dans son discours. En 2 ans de président… Oui, en effet, je ne connaissais pas du tout la problématique des armes qui viennent du nord. Mais c'est un véritable problème. C'est que, par exemple, la majorité des narcotrafiquants mexicains dont on parle, leur bien, évidemment, ils ont des biens au Mexique, mais ils ont une grande partie de leur bien qui est aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez une triple problématique. Vous avez la problématique de la drogue qui va du sud au nord, vous avez la problématique des armes qui va du nord au sud, et vous avez la problématique du blanchiment d'argent. Et au-delà de ça, la majorité des narcotrafiquants blanchissent leur argent aux États-Unis. Et ça ne gêne personne. Vous voyez? Comme dans les années 80-90, les Colombiens, que ce soit le cartel de Medellín ou le cartel de Cali, blanchissaient leur argent à Miami. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et bien sûr, et c'est tout le problème. Et c'est comme par exemple la problématique, si on reste sur l'Amérique latine et qu'on parle d'un autre pays, on parle toujours du Mexique et de la Colombie, vous voyez, qui sont des États qui sont catalogués drogue. Et violence. Mais il faut pas oublier, par exemple, le rôle qu'a joué Cuba pendant longtemps. Les frères Castro, c'est connu, ont joué un rôle longtemps de blanchiment, entre guillemets, entre l'Amérique du Sud et Miami, parce qu'il faut pas oublier que quand on est allé à La Havane, on est à 140 km de Miami, hein, donc on est en face. Donc, c'était très facile pour eux. Et maintenant, il y a un nouveau pays dont tout le monde parle concernant le pétrole et le rôle géostratégique, mais jamais par rapport au narcotrafic, c'est le Venezuela. Le Venezuela a un rôle central dans ce problème-là maintenant. Parce que le contrôle des ports a été donné à l'armée, et vous avez une partie de la hiérarchie militaire vénézuélienne qui est fortement corrompue et qui est liée au narcotrafic. Donc tout le problème maintenant pour les États-Unis, c'est de dire, si on dégage Maduro, derrière on va avoir les militaires, mais les militaires ça reste les mêmes. Vous voyez, vous pouvez pas virer tout l'état-major et toute la hiérarchie militaire. Ces gens-là sont liés au narcotrafic, et ça, il serait intéressant de voir où est-ce qu'ils ont fait fructifier leurs avoirs. Et je suis quasiment persuadé qu'une partie de leurs avoirs est en Floride. Donc c'est inquiétant. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Oui, bah oui, parce que finalement, comme c'est un problème qu'on évoque malgré tout assez peu, il est souvent caché derrière justement d'autres problèmes. Et sinon, pour revenir du côté de l'Afrique, oui. J'avais lu sur un de vos articles sur le sujet que vous aviez évoqué le Cap-Vert comme étant une plaque tournante du trafic de drogue. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, le Cap-Vert est une île. Donc, il joue sur ce fait-là. À partir du moment où vous avez un peu plus de contrôle, vous avez certains pays africains qui ont demandé l'aide de l'ONU, qui ont demandé l'aide, par exemple, beaucoup des services de renseignement français, la DGSE, aide beaucoup les pays d'Afrique de l'Ouest pour la lutte contre le narcotrafic. La BCIJ au Maroc aide beaucoup aussi certains pays d'Afrique de l'Ouest avec qui elle a de bonnes relations. Mais le Cap-Vert, étant donné on va dire un peu son isolement ou le fait qu'il soit un peu à part, est utilisé maintenant comme une nouvelle plaque tournante. Jusqu'à quand, on ne sait pas, avec toujours la même problématique, corruption de fonctionnaires, policiers, douaniers, etc., du fait du faible niveau salarial dans ces pays-là, et puis aussi la facilité, par exemple au niveau de la langue, par exemple quand vous avez des mafias qui sont liées au Brésil, parce que le Brésil aussi joue un rôle là-dedans, un peu moins, mais il le joue quand même, vous avez la facilité avec la langue portugaise pour pouvoir vous implanter au Cap-Vert. Et puis après, Carolina, vous le savez, l'espagnol et le portugais ne sont pas si éloignés que ça, vous voyez, on n'est pas face à un problème linguistique très aggravé. Donc voilà, donc c'est le Cap-Vert a un nouveau rôle et il serait intéressant de voir comment au moins la communauté africaine via l'UA ou bien la communauté internationale va l'aider ou pas un peu plus, ça serait bien parce que c'est un tout petit pays qui n'a pas les armes entre guillemets pour lutter contre ça. Et vous disiez justement que les narcotrafiquants profitaient de la déstabilisation politique et sociale des pays pour pouvoir s'implanter. Et que du coup, en s'implantant, ils augmentaient la déstabilisation et ils la pérennisaient dans le pays. Et je voulais savoir comment est-ce que vous pensez que ces pays qui sont déstabilisés politiquement, socialement, et qui ont en plus des narcotrafics et généralement des trafics d'armes et de prostitution dont vous avez parlé, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ça de manière efficace pour que le pays soit de nouveau en bonne santé? Est-ce que vous avez des exemples de ça ou pas? Alors, il n'y a aucun exemple, malheureusement, de solution miracle, vous voyez. Le problème, je pense, sérieusement, c'est qu'il faut premièrement que la communauté africaine et que la communauté internationale les aide financièrement, mais pas uniquement financièrement en donnant de l'argent à des régimes corrompus, mais également en formant, vous voyez, en formant des forces de police, en formant des forces de douane pour être beaucoup plus efficaces. Ensuite, il faudrait que la communauté internationale déjà aide par rapport au traçage. C'est-à-dire que vous avez un problème de fond qui est comment tout ça se répercute sur la finance internationale. Les pays donc que je vous avais cités, que ce soit le Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, ne sont pas armés technologiquement pour lutter face à ça. Vous voyez, vous avez un problème par exemple chez beaucoup de groupes de cartels mexicains, colombiens, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils recrutent des gens pour gérer leurs fonds qui ont des MBA. C'est-à-dire que si vous avez fait un MBA avec une spécialité en finance internationale, vous avez de fortes chances d'être recruté par ces groupes. Et ils vont vous payer très très bien. Si vous êtes comme un génie de l'informatique, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'ils ont des compétences, très souvent, qui sont supérieures à celles de beaucoup d'États. C'est-à-dire que si vous êtes les États-Unis ou la France, ou d'autres pays, vous avez la capacité de lutter contre ça, parce que vous avez des ressources humaines importantes, vous avez la possibilité de payer les gens correctement, vous avez la possibilité de les former. Donc la première chose qu'il faudrait faire pour ces pays fragiles, il faudrait déjà former les gens, pas seulement aider financièrement, mais former les gens à avoir un niveau vraiment élevé sur le plan technologique, financier, etc., pour pouvoir déjà contrôler ça. Et après, derrière, au niveau régional, il faudrait que l'Union africaine se rende compte que déjà, c'est un problème non pas seulement pour ces pays-là qui sont des petits pays, mais c'est un problème régional en réalité. Et c'est un problème mondial et tout le monde devrait s'asseoir. Mais la véritable question, c'est est-ce que si déjà un pays comme les États-Unis ne traite pas vraiment le problème avec le Mexique, qui est son voisin direct, avec qui il a 5000 km de frontière, est-ce qu'il va le traiter pour la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale ou le Cap-Vert? Et en parlant de sujets qui sont à la mode et sexy, en fait, dans les relations internationales, il y a la question du terrorisme. Et je voulais vous poser la question, parce que vous avez parlé des narcotrafiquants en Libye, notamment, du blanchiment d'argent. Et je voulais savoir, est-ce que, volontairement ou involontairement, une partie de l'argent et du financement du narcotrafic va sur du financement du terrorisme ou pas? Alors, vous savez, il y a un concept qui avait été créé dans les années 80 par l'administration Reagan, qui était le concept de narcoterrorisme, et qui s'appliquait principalement pour les FARC, par exemple, ou à la fin des années 90, début des années 2000, à certains groupes mexicains comme les Cetas, etc. La question qu'il faut se poser, c'est que on pourrait transposer la terminologie, mais en l'adaptant à notre contexte, si on prend un groupe comme ACMI. ACMI, historiquement, c'est d'anciens membres du GIA qui, en partie, avec d'autres groupes locaux au Sahel, ont créé ACMI. Bon. La problématique d'ACMI, c'est que si vous prenez, par exemple, son chef, qui s'appelle Mortar Ben Mortar, c'est un ancien du GIA, il se faisait connaître, si vous prenez sa fiche de la CIA des années 90-2000, on l'appelait Mister Marlboro. Parce qu'il vivait non, c'est sérieux. Il vivait de la contrebande de Marlboro. Vous voyez, donc, il l'appelait Mister Marlboro. Mais aujourd'hui, les gens, bon, Mortal est assez âgé, et on sait pas, il y a certains disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est encore vivant, on sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ses héritiers, les gens d'ACMI et les gens d'autres groupes, au Sahel, en Libye, où vous voulez, en Afrique, vivent de ça. Et ça leur permet de financer leur action terroriste. Mais vous avez même un cas au-delà de l'Afrique, qui est le cas entre guillemets, qui devrait être le plus connu, mais qui ne l'est pas. Si vous prenez le cas du Hezbollah libanais, l'Hezbollah libanais, il n'existe pas qu'au Liban et c'est pas qu'un parti politique. En Amérique latine, je connais plutôt cette problématique-là, vous avez beaucoup de latino-américains d'origine libanaise, vous en avez dans tous les pays d'Amérique latine. Au Mexique, vous avez 280 000 Mexicains d'origine libanaise, pour vous donner un ordre d'idée. Et vous en avez en Argentine, au Pérou, etc. Régulièrement, vous avez une coopération entre les États-Unis et les pays latino-américains et vous attendez à tel type qui est péruvien, argentin, etc., avec un nom à consonance arabe, qui sont en général des gens d'origine libanaise et de chiite, sont proches du Hezbollah et qui, via le narcotrafic, financent le Hezbollah. Mais le Hezbollah n'est pas qu'un parti politique, n'est pas qu'un groupe de résistance armée, comme il a été créé en 82 contre l'occupation israélienne, c'est aussi un groupe qui a produit des actes terroristes. On peut pas le nier. Donc, vous avez en Afrique et au Sahel et en Libye le même type de problème désormais. C'est que vous avez des groupes latino-américains qui sont implantés, mais après on peut pas nier qu'ils ont une méconnaissance du terrain. C'est-à-dire que c'est pas chez eux. Donc, ils se sont liés à des gens sur place. Et puis, le transit, si vous êtes en Guinée équatoriale et que vous voulez aller jusqu'en Libye, vous êtes obligé de passer des alliances avec d'autres groupes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez qui entre les deux? Vous aviez ACMI et d'autres groupes qui ont profité de ça. Et ça a servi, pour répondre à votre question, à financer une partie du terrorisme. Toute la difficulté, c'est évaluer, vous voyez, le pourcentage de leur budget qui est lié au narcotrafic. Ça, c'est le plus difficile. Et c'est très variable et ça dépend des groupes, ça dépend des périodes. Mais oui, oui, ça existe. Ils ont financé une partie du terrorisme avec leur, avec le narcotrafic. Et ça, partout. C'est assez incroyable parce que finalement, ce thème du narcotrafic, c'est un peu comme un oignon. Il y a des couches et des couches et des couches. On retrouve tellement de sujets et tellement de liens finalement partout dans le monde. C'est assez fou. Tout à fait. Ben, en fait, si vous voulez, moi, ce que je disais à mes étudiants il y a quelques mois, de ça, dans un cours où je leur parlais de ça, je leur disais, on peut l'aborder de 10 000 manières, ce que je vous disais sur les groupes de travail. On peut l'aborder sur le narcotrafic, bon, les échanges, simplement. On peut parler du narcotrafic via le renseignement. Comment lutter contre ce phénomène global via le renseignement? Le financement du terrorisme, comme vous venez de me demander. La cybersécurité. Parce que maintenant, vous avez aussi, via les paiements en ligne et les paiements dématérialisés, une utilisation du narcotrafic d'une autre manière aussi, etc., etc. Donc, quand vous le dites si bien, Carolina, c'est des couches. Des couches, des couches, des couches. Et c'est pour ça que je disais, il faut des groupes de travail, parce qu'une personne, deux ou trois, ne pourront jamais travailler sur l'ensemble de ces questions de manière sérieuse. Moi, pour produire l'article que je vous ai envoyé, ça a été, je dirais, entre 8 et 10 mois de travail à fond. Uniquement là-dessus. Et en termes de recherche scientifique, au-delà des groupes de travail gouvernementaux ou des ONG, où est-ce qu'on en est par rapport au narcotrafic? C'est quoi l'univers? Est-ce qu'il n'y a que vous? Ou est-ce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur la question? Alors, si moi je prends le cas du Mexique ou de la Colombie, qui sont les deux pays d'Amérique latine que je connais le mieux, j'ai une invitation pour aller à l'école supérieure de guerre à Bogota. Parce que sur cette question-là, personne ne travaille. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'un des problèmes de l'Amérique latine, c'est que chaque pays travaille sur ses problèmes. En Colombie, vous avez des groupes très sérieux, très solides, par exemple à l'École supérieure de guerre, à l'Université de Medellín aussi, vous avez des très bons chercheurs, à la OPB, mais qui travaillent sur les questions de narcotrafic en Colombie. Au Mexique, vous avez un think tank très connu avec qui m'arrivait de collaborer, où j'ai beaucoup d'amis, qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs pour ces travaux sur la partie mexicaine, qui s'appelle le KCD à Mexico. Mais eux, ils travaillent sur le narcotrafic, sur tous les aspects, tout ce qu'on vient de dire, renseignement, blanchiment d'argent, etc., mais au Mexique, ou à la limite Mexique-États-Unis. Mais jamais ils vont s'aventurer à travailler sur l'Afrique, vous voyez? Donc, on a ce problème-là. En France, ceux qui font le travail, vous avez un rapport qui est très intéressant, mais qui date de 2012, si je dis pas de bêtises, de l'IHEDN. Vous avez deux étudiants de master de l'IHEDN qui ont fait un rapport. Ils étaient dans une université parisienne et je pense que on les a recrutés pour cette mission-là. Ils ont fait un rapport très intéressant d'une quarantaine de pages. Mais ça date. En France, vous avez essentiellement des journalistes. Par exemple, des gens qui sont correspondants en Afrique pour RFI, font des travaux sérieux, mais journalistique, vous voyez? Oui. C'est ça le problème. Et après, dans les pays africains, malheureusement, vous avez très, très peu d'universitaires qui travaillent ces questions-là. Si vous prenez le cas du Maroc, vous avez essentiellement des sécuritaires, des gens de la police, des douanes, des militaires, qui sont des gens très compétents, des gens très sérieux, mais qui abordent ça d'un point de vue, entre guillemets, administratif, vous voyez? Et on a très, très peu de centres de recherche, de projets de recherche, de choses qui sont vraiment mises en place pour cette coopération. Et moi, par exemple, quand j'ai écrit cet article là qui va être publié en juin en Espagne pour une revue espagnole à Grenade, quand j'en ai parlé juste comme ça autour de moi, ou bien que des amis en ont parlé en disant Mohamed a écrit ça, on m'a invité dans plein d'endroits au Mexique et en Colombie pour en parler. Vous voyez ? Parce qu'on m'a dit ah mais on l'avait jamais abordé sous cet angle-là. Donc, c'est un thème d'avenir. Bon, je pense que là-dessus, on peut conclure. Merci beaucoup, Mohamed, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Je précise à tous les auditeurs que les références dont vous avez parlé aujourd'hui vont être en description de l'épisode. Donc, vous pourrez aller voir par vous-même, notamment le rapport IHEDN, si ça vous intéresse. Et lorsqu'il sortira, on vous mettra évidemment le lien pour votre article. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez bien compris, du coup, chers auditeurs, c'est à vous que je m'adresse, que c'est un sujet assez intéressant sur lequel vous avez de la place. Donc pour les étudiants qui nous écouteraient et qui chercheraient à se spécialiser pendant leur master, ben pourquoi pas le narcotrafic et pourquoi pas une dimension internationale. Merci beaucoup encore une fois et on va conclure cet épisode de notre septième épisode de Léviathan et on se retrouve le mois prochain. À bientôt.